Bonjour mesdames. Nous ne nous sommes pas revus depuis le mois dernier. Avez-vous réfléchi à des projets solidaires pour cette fin d'année ? Oui, Fabienne. Nous pourrions organiser une collecte de vêtements au profit des plus démunis. Une sorte de vide-dressing. Qu'en pensez-vous ? Une sorte de vide-grenier ? Non, Cécile, je ne suis pas franchement d'accord avec vous. Ça s'est déjà fait et on récupère plein de vieux vêtements immettables. Attendez, laissez-moi continuer. Nous allons vers l'hiver, donc nous pourrions demander seulement des vêtements chauds, propres et en bon état. Je conserve votre idée, Cécile. Et vous, Claire, vous n'avez pas parlé ? À la maison de retraite, il y a des personnes isolées. Nous pourrions, une fois par mois peut-être, leur rendre visite et organiser des petits goûters avec des jeux. Sincèrement, Claire, vous ne trouvez pas que ça fait un peu bonnes œuvres ? Moi, je suis contre. Franchement, Marie, je ne vous comprends pas. Vous ne proposez rien, mais vous rejetez toutes nos propositions. Mais Fabienne, contrairement à ce que vous pensez, j'ai moi aussi une idée pour Noël. Nous devrions organiser une collecte de jouets en bon état et nous les distribuerions en mairie aux familles les plus pauvres. Mon mari est adjoint au maire et il serait d'accord pour nous aider. Votre proposition, Marie, me semble tout à fait réalisable. Qu'en pensez-vous, Cécile et Claire ? Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais j'insiste car je tiens à mon idée. Nous pourrions collecter en même temps des jouets et des vêtements chauds. L'idée me semble excellente. Dans ce cas, nous pourrions reporter nos visites à la maison de retraite en janvier, quand les journées sont bien tristes, non ? C'est d'accord. Faisons ainsi. Marie, je vous laisse voir avec la mairie pour réserver une date et nous préparons dès maintenant l'affichage et le mail annonçant la collecte. Voilà une réunion très productive. Je vous sers du thé ?